الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. عباد الله، نحن نعيش في زمن فتن، وهذه الفتن هي الفتن الكبرى على المسلمين وعلى المؤمنين. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: والآن الإسلام عاد غريبا، ولو كان الذين يدعون الإسلام يبلغون المليار أو أكثر، لكن الإسلام الصحيح يعني غريب بين الذين يدعون الإسلام، فكيف الكفار؟ فالمسلم الصحيح غريب بين الذين يدعون الإسلام، فليست العبرة بالكثرة، ولكن العبرة بالحقيقة. فالمسلمون الذين على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قليلون، غرباء حتى بين المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. سافتاد الله، le prophète صلى الله عليه وسلم a mentionné dans un hadith authentique que l'islam a débuté d'une manière étrange et qu'elle redeviendra étrange. L'islam a débuté, elle était étrange et elle va redevenir étrange comme elle a débuté. Alors annoncez la bonne nouvelle aux étrangers. Serviteurs d'Allah, nous vivons dans une époque d'épreuve, de tribulation et de tentation pour le croyant. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafizahullah, un des grands savants de notre époque, il dit: aujourd'hui, l'islam est redevenu étrange. Même si ceux qui prétendent ou qui se disent musulmans dans le monde aujourd'hui ont atteint le nombre des milliards ou même plus, mais l'islam, le vrai, l'islam authentique, est redevenu étrange entre ceux qui se disent musulmans et qui prétendent appartenir à l'islam. Alors, si c'est le cas, Si c'est le cas, c'est-à-dire si l'islam est devenu quelque chose d'étrange parmi les musulmans eux-mêmes, alors que dire de l'islam, comment il est devenu chez les koufars ou pour les koufars, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas musulmans, lorsqu'ils voient les musulmans pratiquants, eh bien ils les trouvent encore plus étranges que ceux qui sont à l'intérieur de l'islam et qui sont musulmans et qui, eux, sont éloignés ou loin de la pratique réelle de l'islam. Donc, le cheikh explique et il dit que le musulman, le vrai, celui qui s'accroche à l'islam dans son authenticité, dans sa véracité, il est devenu étrange parmi ceux qui se disent musulmans et qui appartiennent à l'islam. Et donc, il ne faut pas tenir compte uniquement du nombre et de la quantité de musulmans et de dire, par exemple, les musulmans sont actuellement 1 milliard dans le monde. Mais il faut regarder la réalité. Il faut regarder la réalité de l'état dans lequel les musulmans se trouvent. Est-ce que ce milliard de musulmans font partie des musulmans qui sont accrochés à la aqida de l'islam et qui connaissent le tawhid d'Allah, l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans l'adoration et dans la croyance? Est-ce qu'ils font partie des musulmans qui s'accrochent à la sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui s'écartent des innovations et des bid'ahs qui ont été innovées et qui s'éloignent des différentes sectes d'égarements qui sont apparues à travers l'islam? Est-ce que ce sont des musulmans qui s'accrochent à la sunnah et au Coran et à la aqidah des salaf al-salih? Il faut voir donc cette réalité et il faut constater cette réalité. Et donc les musulmans qui suivent réellement l'islam tel qu'elle a été ramenée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons sont devenus une minorité. Ils sont devenus peu, c'est-à-dire peu en nombre. Ils sont devenus étranges, même parmi les musulmans eux-mêmes. Et donc, al-ghuraba, c'est-à-dire les étrangers, ce sont parmi les musulmans, premièrement ceux qui pratiquent l'islam. Parce que ceux parmi les musulmans qui pratiquent l'islam sont étrangers par rapport aux musulmans qui ne pratiquent pas l'islam. Et ceux-là sont une minorité. Dans le monde actuel aujourd'hui, combien de musulmans font la salat 5 fois par jour et établissent les salawat? Beaucoup d'entre les musulmans, peut-être même la majorité d'entre les musulmans dans le monde, ne font pas les 5 prières par jour. Combien d'entre les musulmans négligent plusieurs des ordres et des obligations de la religion islamique et se disent pourtant musulmans? Donc ça, c'est les musulmans pratiquants parmi les musulmans qui sont étrangers parmi la majorité. Et parmi ces pratiquants, il y a ceux qui s'accrochent à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui restent accrochés à la compréhension et à la croyance des salaf salih et qui s'écartent des groupes d'innovation et des groupes d'égarements qui sont étrangers parmi les étrangers. Et donc c'est pour dire que yani al-ghurba, le fait d'être étrange et de vivre cette façon de pratiquer l'islam qui est ramené par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'exemple, de suivre l'exemple des sahaba, c'est quelque chose qui est étrange et c'est des différences dans les degrés d'étrangeté. C'est-à-dire qu'il y a des fois des degrés de ceux qui pratiquent la sunna à l'intérieur de ceux qui pratiquent l'islam qui sont encore plus étranges que ceux qui pratiquent l'islam parmi ceux qui sont musulmans uniquement par le nom. Et c'est pour cette raison-là que les imams, parmi les imams de l'islam et les imams des salafs, ils disaient des paroles comme la parole de Abu Bakr ibn Ayyash, un des imams des salafs, qui disait « As-sunnatu fil islam, a'azzu min al-islam fi sa'ir al-adyan ». C'est-à-dire qu'il a dit que la sunna à l'intérieur de l'islam, elle est plus rare que l'islam parmi les différentes religions. Si tu regardes aujourd'hui, les musulmans composent, on dit approximativement dans le nombre, de façon générale, plus qu'un milliard ou à peu près 1 milliard. Et on dit que le nombre d'habitants sur la terre parmi les êtres humains, c'est à peu près 7 milliards ou 6 milliards d'êtres humains. Donc ça veut dire que 1 sur 7 ou 1 sur 6 des êtres humains sont des يعني musulmans et que le reste, la grande majorité, sont des mouchriquins et des kuffars. Donc, les croyants, les musulmans ou ceux qui se disent musulmans, même si c'est seulement par le nom, ils sont une minorité parmi l'humanité. Et parmi les êtres humains, donc il y a différentes religions, et donc l'islam est une minorité et elle est rare parmi les religions de l'humanité. Et à l'intérieur de l'islam, ceux qui s'accrochent à la sunna et qui suivent la sunna, par opposition à ceux qui suivent différentes sectes ou différentes tendances de différentes formes d'égarement, eh bien, ils sont eux aussi une minorité à l'intérieur de l'islam. Les gens qui s'accrochent à la sunna parmi les musulmans sont une minorité parmi les différents groupes d'égarement et les différentes sectes qu'on retrouve dans l'islam. Et c'est pour ça qu'un des imams disait, comme l'imam Soufyan al-Thawri, il disait Istawsu bi ahli sunnati khayran fa innahum ghuraba ou fiza, yani fa innahum ghuraba. C'est-à-dire, je vous enjoins d'être bon, hein, et soyez bon envers les gens de la sunna, parce que ils sont des étrangers, ils sont des étrangers. Yani, ils sont peu nombreux et ils sont étrangers parmi les gens de leur époque. Donc ce sont ceux qui sont sur la sunna dans leur croyance, dans leur pratique et dans tous les aspects de leur vie. Donc si les imams des salaf disaient ce genre de paroles à leur époque, alors que les gens de la sunna étaient forts, et alors que les gens de la sunna étaient nombreux et qu'ils étaient près de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par opposition à nous, alors qu'est-ce qu'on peut dire nous à notre époque, hein, puisqu'on est encore plus éloigné et encore plus yani, loin de l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la suivance ou le suivi yani, des sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui ont précédé parmi les salaf de cette umma. والغربة لا يقتضي أن تكون شرا للمسلم بل هو خير لأن الله وعد أهلها بالأجر والسعادة. Et donc, il ne faut pas comprendre uniquement que le fait d'être étranger, c'est quelque chose qui est nécessairement négatif ou mauvais pour le musulman. Même qu'en réalité, c'est un bien pour lui s'il fait partie de ces étrangers-là, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a promis aux gens qui feront partie des étrangers qu'ils auront la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et le bonheur dans cette dunya et dans l'au-delà. Dans différentes versions du hadith et dans différentes narrations de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué qui seront les ghurabas. Qui seront les ghurabas? Et dans une narration, il explique et il dit: الغرباء هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. C'est-à-dire que les étrangers, ce sont ceux qui sont bons en eux-mêmes, alors que la majorité des gens seront corrompus ou deviendront corrompus. C'est-à-dire que la majorité des musulmans seront corrompus et il y aura une petite minorité parmi eux qui resteront bien en eux-mêmes et qui vont se réformer eux-mêmes pour s'accrocher à leur islam et s'écarter des péchés et des contradictions à l'islam. Et dans une autre explication, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس. يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. C'est-à-dire que dans une autre narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué yani, que les ghurabas, c'est-à-dire les étrangers, ce seront ceux qui ont réformé, c'est-à-dire réparé et corrigé ce qui a été corrompu de ma sunna. C'est-à-dire que des gens qui, dans la religion d'Allah, ont inventé des innovations, ont ramené des choses qui ne faisaient pas partie de l'islam, ont ramené des coutumes et des traditions ou des pratiques ou des croyances qui sont en contradiction avec ce qui est dans le Coran et dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, yani, ces hommes-là, qui sont parmi les ghurabas, ils vont réformer la religion de l'islam. Ils vont ramener la pureté de la sunna. Ils vont ramener les gens à la croyance authentique de la religion. Ils vont les ramener au tawhid. Ils vont les ramener à la pratique de la sunna et à s'écarter des bid'ah, des innovations et des différentes tendances de déviation qui sont apparues à travers l'histoire. Et donc c'est pour ça que yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit les ghuraba de cette façon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également dans un hadith qui est rapporté selon Abu Daoud, qu'il a dit « Inna Allah la yab'athu ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu laha dinaha » C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala va faire venir à la tête de chaque siècle celui qui va venir pour réformer sa religion, c'est-à-dire réformer la religion, c'est-à-dire la purifier de tout ce qui a été rajouté ou enlevé ou qui a été déformé de la réalité de l'islam. Eh bien, ces hommes, ces savants, ces ulama, ces mujaddidoun vont venir pour réformer, corriger et régénérer cette religion. Et non pas comme certains l'ont compris ou l'ont interprété, que ça signifie de venir réinterpréter l'islam pour satisfaire les désirs et les passions des gens des différentes époques dans lesquelles ils viennent. Et donc, ce sont ceux qui vont ordonner le bien et qui vont interdire le mal. Ordonner le bien et interdire le mal, ça implique d'amener les gens et d'appeler les gens à l'unicité d'Allah et de combattre le shirk, hein, tout ce qui est opposé au tawhid, c'est-à-dire d'opposer par exemple les pratiques qui sont faites dans certains pays musulmans où les gens par exemple font des pèlerinages à des tombes et adorent des morts ou des hommes pieux ou des saints, et qui s'imaginent que de faire ça c'est quelque chose qui fait partie de l'islam. Donc ils vont dans différentes villes, dans différents endroits ou lieux où un homme pieux a été enterré, et ils vont faire des pèlerinages et ils vont faire des prières, demander à ces hommes pieux de les bénir, ou faire le tawaf, c'est-à-dire circuler en cercle autour de la tombe de cet individu et chercher de lui le bien et la bénédiction. Donc ça c'est des exemples de pratiques, hein, qui sont contraires à l'islam et qui sont des formes d'idolâtrie qui ont été pratiquées à l'heure actuelle depuis des siècles dans certains pays musulmans, dans certaines régions, et qui sont faites au nom de l'islam et qui sont en réalité en opposition totale avec les fondements de la croyance islamique. Et donc ces réformateurs, ces rourabins, ils vont corriger ce genre de pratiques, ce genre de croyances, ce genre de choses, et ramener les musulmans à la pratique authentique et réelle de l'islam. Ils vont les sauver des différentes formes d'ignorance et d'égarement qui ont été pratiquées et propagées par les gens de l'égarement, et les ramener à la sunna pure, telle qu'elle a été ramenée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils font le travail des messagers et des prophètes d'Allah, d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé justement dans le Coran de ce travail, et il a mentionné à quel point il est important. Il dit لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَ بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. C'est-à-dire que ceux qui ont mécru parmi les fils d'Israël ont été maudits par la langue de Moïse et la langue de Jésus, fils de Marie, parce qu'ils ont désobéi et parce qu'ils ont transgressé. Ils ne s'interdisaient pas le mal qu'ils faisaient les uns les autres. Lorsque l'un d'entre eux faisait un mal, eh bien, ils ne se l'interdisaient pas entre eux. Comme mauvais était ce qu'ils étaient leurs œuvres ou ce qu'ils faisaient. Également, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةِ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Qu'il y ait parmi vous un groupe de la Ummah, يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, qui appelle au bien, qui ordonne le bien et qui interdit le mal, et ceux-là seront ceux qui auront le succès. Et par opposition à ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné les munafiqoun et les munafiqat, c'est-à-dire les hypocrites, hommes et femmes. Allah subhanahu wa ta'ala dit والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. C'est-à-dire que les hypocrites, hommes et femmes, Ils sont les uns avec les autres, ou les uns des autres. Ils ordonnent le mal et interdisent le bien. Et ça, c'est la caractéristique des hypocrites. Et combien ils sont nombreux, hein? C'est-à-dire ceux qui se montrent comme étant des croyants, qui prétendent être musulmans, mais qui, dans leur cœur, rejettent la foi et détestent l'islam et détestent les règles et les enseignements authentiques de ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Donc, ils donnent l'apparence qu'ils sont musulmans, mais qu'au fond de leur cœur, ils sont des ennemis de l'islam, du Coran et de la Sunna. Et ils détestent tous ceux qui pratiquent réellement la religion. Donc, ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet qu'ils ordonnent le mal et qu'ils interdisent le bien. C'est-à-dire que tout ce qui est ordonné par Allah, ils veulent l'interdire et le contredire. Et tout ce qui est interdit par Allah, ils veulent ordonner aux gens de le faire ou encourager les gens à le faire au nom de n'importe quel principe ou n'importe quelle idéologie. C'est-à-dire que dans le passé comme aujourd'hui, que ce soit le shaitan ou que ce soit les hypocrites, lorsqu'ils veulent inviter les gens au mal et les amener à l'égarement ou à contredire les ordres d'Allah, eh bien, ils ne vont pas nécessairement le faire ouvertement, clairement, tel quel. Mais ils vont passer par des ruses ou embellir leur discours pour faire croire aux gens que ce qu'ils sont en train d'appeler les gens à faire, c'est des choses qui sont bonnes ou bien. Et donc, ils leur donnent des belles appellations et changent les termes pour leur faire croire que ce qu'ils font, c'est du bien, alors qu'en réalité, c'est de l'égarement et c'est du mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man ra'a minkum munkaran, falyughayyirhu biyadih, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dhalika ad'aful iman. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main. Et s'il n'est pas capable, qu'il le change par sa langue. Et s'il n'est pas capable, qu'il le change par son cœur. » Et ça, c'est le niveau le plus faible de la foi. Et donc, ça implique de changer le mal par la langue, par la main, par la langue et par le cœur. Et ça implique, bien entendu, différents degrés dans la religion, différents niveaux. Et chacun parmi les musulmans ont affaire de ça selon leur autorité ou selon leur niveau ou selon leur degré d'autorité dans la société. Par exemple, le policier, ou bien le chef de famille, ou bien le chef de l'État, il a un degré d'autorité que d'autres n'ont pas parmi les musulmans, et donc ils peuvent se permettre de changer le mal par la main, puisque le fait de changer le mal par la main pour eux ne va pas produire plus de mal que le bien qu'ils veulent ramener. Et donc ça, c'est leur exemple. Et sinon, il y a aussi les savants de l'islam qui réfutent par la langue les formes d'innovation ou les formes d'égarement et qui réfutent les innovateurs et les hypocrites avec les preuves du Coran et de la Sunna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَدُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ. C'est-à-dire, il y aura toujours un groupe de ma umma qui sera sur la vérité, qui sera victorieux sur la vérité. Ceux d'entre vous qui s'opposent à eux ou qui essaient de les abandonner ne leur feront aucun tort jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement dernier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in, hatta walau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Qila man hum ya Rasulallah, al-Yahud wa al-Nasara, qala faman. » C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous allez suivre et imiter les gens qui vous ont précédés pas à pas, jusqu'au point où s'ils entrent dans le trou d'un lézard, vous allez vouloir les imiter et les suivre dans ce trou, hein, comme eux, et faire la même chose qu'eux. Il a dit, et les sahaba ont posé la question, ô messager d'Allah, parles-tu des juifs et des chrétiens? C'est-à-dire qu'on va essayer de les imiter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui d'autre? Donc, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de suivre et d'imiter l'exemple des juifs et des chrétiens. Et il faut savoir que la majorité des gens, comme Allah il le dit dans le Coran, ils sont en général dans l'égarement. Et que les gens qui suivent la vérité sont toujours la minorité en principe, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ » Si tu obéis à la majorité des gens sur la terre, ils vont t'égarer du chemin d'Allah. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Et si tu, même si tu as le désir ardent de guider les hommes, eh bien la plupart d'entre eux ne seront pas croyants. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. C'est-à-dire la plupart d'entre eux qui croient en Allah ne sont en réalité que des idolâtres. C'est-à-dire parmi eux, ils disent qu'ils croient en Allah, mais en même temps ils adorent d'autres que lui. وَلَقَدْ ضَلَّ. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ ضَلَّ قَلِيلٌ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ. C'est-à-dire avant eux, la majorité des anciens et des premiers se sont égarés. Et donc ça nous indique que les gens de la vérité sont toujours minoritaires et les gens de l'égarement sont toujours majoritaires. إلا من رحم الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit celui qui ressemble à un peuple ou qui imite un peuple en fait partie, il est un des leurs. Et ça nous indique aussi également par rapport à ce qu'on a mentionné au sujet des Ghuraba, que même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y aura toujours un groupe qui sera sur la vérité parmi les musulmans, c'est-à-dire un petit groupe qui sont minoritaires mais qui resteront toujours sur le haq à toutes les époques, mais la grande majorité des musulmans vont malheureusement suivre l'exemple des juifs et des chrétiens dans plusieurs formes d'égarement qu'ils ont et vont imiter d'autres peuples. Et ça c'est ce qu'on appelle en arabe « at-tashabbuh ». At-tashabbuh bil kuffar, c'est-à-dire l'imitation des peuples mécréants qui ont précédé. Et parmi les différents niveaux ou degrés d'imitation qu'on retrouve chez les musulmans à l'heure actuelle et dans le passé, dans les différents aspects de la religion ou de la vie, il y a des formes de tashabbuh qui parfois nous échappent. C'est-à-dire on prend pas attention, mais c'est des formes de tashabbuh. Le tashabbuh des kuffars, l'imitation des kuffars dans leur mentalité, c'est-à-dire dans leur façon de comprendre la vie, de regarder le monde, de comprendre le monde. Les imitations des kuffars dans leurs croyances, que ce soit des croyances religieuses ou des pratiques religieuses que certains musulmans imitent ou adoptent ou absorbent sans le réaliser ou sans le savoir. Comme l'exemple que j'ai mentionné tout à l'heure de l'adoration des saints et des tombes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé ça et il avait averti la Ummah à ce sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La'natullahi ala al-yahoudi wa al-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens, ils ont pris leur lieu d'adoration, les tombeaux de leurs prophètes comme des lieux de prière, des lieux d'adoration. Et c'est ce qui est arrivé à l'heure actuelle chez beaucoup de musulmans. Que ce soit chez les soufis ou chez les rafidas, les shia rafidas, tu regardes par exemple dans leur pays, ils font des pèlerinages aux tombes, ils ont construit des mosquées sur les tombes des hommes pieux, et chaque année ils vont là-bas faire des pèlerinages par millions. Au lieu d'aller à Mecca faire le hajj et de faire le pèlerinage là où c'est légiféré, c'est-à-dire à la maison d'Allah, à Mecca, eux ils font le pèlerinage pour des hommes morts et pour des tombes, alors que ça c'est de l'idolâtrie et du shirk. Ça, c'est de l'imitation dans la croyance. Ça fait partie de l'imitation des juifs et des chrétiens. Et il y a l'imitation également dans la façon de vivre, dans les habitudes de vie, dans la façon de s'habiller, dans la façon de parler, dans la façon de la mode qu'on suit, la façon de peigner nos cheveux, la façon de... Il y en a plein d'autres choses. Et parfois même, ça va jusqu'au point où on essaie même de changer la création d'Allah pour essayer d'imiter et de ressembler à une autre créature. Et ça devient encore plus grave, puisque ça fait partie de tahrir khalqillah, c'est-à-dire de transformer ou de changer la création d'Allah. Et ces influences-là qu'on trouve dans la façon de vivre, ça vient beaucoup par la télévision, par le cinéma, par les médias, et les musulmans sont très, très, très, très influençables et très influencés dans ces niveaux-là, malheureusement. Et ça fait partie des différentes fitanes qu'on retrouve. Et c'est arrivé à un point tel que certains musulmans, parfois, ils imaginent que la pratique de l'islam, c'est seulement pour les vieux ou pour les personnes âgées. Hein? Et que si tu es jeune, eh bien, tu peux attendre. Ce n'est pas maintenant que tu dois commencer à pratiquer ta religion. Par exemple, si tu es un adolescent ou un jeune, et que tu laisses ta barbe et que tu commences à aller à la mosquée et prier et lire le Coran et commencer à étudier ta religion, la majorité des gens, illa man rahimallah, vont commencer à dire « Ah, mais lui, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il est devenu fou, il est devenu extrémiste. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il laisse sa barbe? Pourquoi il commence à pratiquer? Pourquoi il commence à aller à la mosquée? Pourquoi il fait ci? Pourquoi il fait ça ?» Cette notion, c'est une mauvaise compréhension de l'islam. Puisque personne ne sait, premièrement, quand il va mourir. Tu ne sais pas si tu vas mourir jeune ou vieux. Quand tu vas rencontrer Allah, tu vas le rencontrer avec quoi? Si tu dis, c'est pour les personnes âgées, moi je suis jeune, qui t'a dit que tu ne vas pas mourir jeune? Qui te dit que tu ne vas pas mourir demain? Donc si tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala et que tu as pratiqué ta religion, même lorsque tu étais jeune, au moins tu vas le rencontrer avec quelque chose. Hein? La même chose pour ce qu'ils disent, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit dans les médias de ceux qui essaient de mélanger entre le musulman pratiquant, le musulman extrémiste, le musulman intégriste, le musulman terroriste. Et donc on trouve ça, des termes comme ça qui sont employés dans les médias, et on fait tout de suite une amalgame entre tous ces noms, comme si depuis qu'un musulman pratique sa religion, ça veut dire qu'il est automatiquement terroriste ou extrémiste. Et si tu le vois avec une barbe, ça y est, c'est fini. Hein? Et les gens ne distinguent pas ou ne comprennent pas la différence entre le fait d'être un musulman pratiquant, de s'accrocher à la sunna et à la compréhension des salafs, et donc d'être un salafi, et le fait d'être un égaré, extrémiste, khariji, terroriste, qui fait de la violence, qui détruit, qui tue les innocents, ou qui fait le takfir des musulmans pour des péchés. Hein, et qui prône le terrorisme comme étant une forme de djihad, alors que le djihad n'a rien à voir avec le terrorisme. Donc, si les musulmans n'ont pas étudié leur religion, n'ont pas compris ce qui est dans le Coran et dans la Sunna comme il faut, ils tombent dans ce genre d'amalgame et dans ce genre de problème, et ils font des mélanges. Et ils s'imaginent qu'il ne faut pas pratiquer l'islam parce que sinon on va se faire traiter ou appeler un extrémiste ou un terroriste. Et beaucoup de musulmans, malheureusement, qui sont faibles et influençables, eh bien, ils se laissent prendre par ce piège, et pour éviter de se faire traiter de nom ou de se faire donner une appellation, eh bien, ils vont dire, c'est mieux que je ne pratique pas l'islam, comme ça je ne vais pas avoir de problème. Abdullah ibn Amr a dit, « Inna al-iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum, kama yakhlaqu thawb al-khaliq, fas'alu Allah an yujaddid al-iman » Rawahul Hakim. Abdullah ibn Amr a dit que la foi, elle s'use dans le cœur, de la même manière qu'un vêtement s'use. Alors demandez à Allah de renouveler votre foi dans vos cœurs. Et donc c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith au début, que l'islam est commencé comme quelque chose d'étrange et qu'elle va redevenir étrange. À la fin, annoncer la bonne nouvelle aux étrangers, eh bien, la foi, c'est la même chose dans le cœur, elle devient parfois usée, comme un vêtement usé. Il faut toujours la rafraîchir, cette foi, la rafraîchir par l'apprentissage, par le tawhid, par la compréhension des bases de la religion, par la pratique religieuse. Et donc, c'est pour dire en même temps que lorsque l'islam devient étrange, c'est un signe et c'est une annonce qu'elle va revenir et qu'elle va se régénérer et qu'elle va réapparaître. Hein? Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, comme c'est mentionné par Buraïda, il a dit, « Uridat alayya al-umam, fara'itu al-nabiyu wa ma'ahu al-ruht, wa al-nabiyu wa ma'ahu al-rajul al-wahid, wa al-rajulan, wa al-nabiyu wa laysa ma'ahu ahad. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « On m'a présenté les nations au jour de la résurrection. Et j'ai vu un prophète, il avait une dizaine d'hommes avec lui. » J'ai vu un autre prophète arriver, il avait un ou deux hommes avec lui seulement. Et j'ai vu un autre prophète arriver, il n'y avait personne avec lui. C'est-à-dire, ce prophète, il est venu, Allah l'a envoyé aux hommes, personne de son peuple n'a cru en lui. C'est pour dire que les gens sont différents degrés Et les prophètes aussi sont différents degrés. Et si un prophète, personne ne l'a suivi, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait bien son travail. Ça veut seulement dire que ce peuple-là n'a pas voulu croire. Mais quand le prophète vient à un peuple, il ne doit pas essayer de changer son message ou d'adapter son message de façon à ce qu'il trahit le message d'Allah pour plaire aux gens ou pour les attirer. Et malheureusement, c'est ça ce qu'on retrouve de la part de certains imams ou de certains prêcheurs. Quand ils veulent attirer les masses ou les foules parce qu'ils ne regardent que le nombre, eh bien, ils commencent à trahir le message réel de la religion d'Allah pour faire en sorte que les gens viennent vers eux. Parce qu'ils veulent soit de l'argent ou de la popularité ou des choses de ce genre. Mais il faut savoir que non, il y a des prophètes qui vont venir devant Allah, il n'y aura aucun personne qui les ont suivis dans leur vie. Et donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas trahi le message d'Allah, ils ont été sincères. Et le prophète Sansem a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection, va ordonner à Adam de prendre de chaque groupe de 1000 hommes, un seul homme pour mettre au paradis, et 999 en enfer. C'est-à-dire que le nombre des gens qui sont sauvés, c'est pas la majorité. Et c'est pas la majorité des gens qui seront au paradis. Et c'est pas tout le monde qui va être croyant. Et donc il faut comprendre ça. Et ça doit nous amener à avoir encore plus peur pour notre foi. Et à s'accrocher encore plus fermement à la religion, parce que les croyants sont peu. Allah subhanahu wa ta'ala dit, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَنْ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah, puis qui s'accrochent fermement à la religion, au moment de leur mort, les anges descendent sur eux. Et les anges leur disent, avant de prendre leur âme, لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا. C'est-à-dire, ne craignez rien et ne soyez pas tristes. Hein? Yani, ne craignez rien et ne soyez pas tristes. Yani, c'est-à-dire, ils les rassurent, les anges les rassurent. Pourquoi? Parce qu'ils ont été fermes dans leur religion et ils ont été solides. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Et soyez, joyeux, réjouissez-vous d'un paradis qui vous avait été promis. Donc, même si dans la vie d'ici-bas, ceux qui se sont accrochés à la religion ont subi de la difficulté, de la crainte, de la tristesse, de la part des koufars ou de la part des gens qui s'éloignent de la religion d'Allah, au jour de la mort, quand ils meurent, les anges viennent prendre leur âme et ils leur annoncent la bonne nouvelle. Et ils leur disent, n'ayez pas crainte, ne craignez rien. Et soyez pas tristes, soyez joyeux, vous allez entrer au paradis. Et donc ça doit nous aider à rester encore plus forts dans notre foi, à s'accrocher encore mieux à notre religion. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin. Wa adhill al-shirka wal-mushrikin. Wa dammir adda' al-din. واجعلنا من المستقيمين الذين يعتصمون بحبلك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله استووا اعتدلوا سووا صفوفكم صدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم سيرفوها ne laissez pas d'espace entre vous. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.